C'est rien qu'un rapport à l'énergie, dans le fond. C'est d'être créatif. Si on était arrêté d'être dans les mots, justement, ce que je parle depuis des années, c'est là, on est dans l'intellect. Puis l'important, c'est de voir. Puis une fois que tu le vois, ce qu'il y a de plus logique à faire, si tu vois un peu, là, je veux dire, puis tu perds, t'auras jamais de vraie perte. Mais le monde, non, ils veulent des solutions. Ils veulent des solutions, puis ils souffrent justement de choses que quelque part, c'est psychologiquement qu'ils souffrent beaucoup plus que concrètement. Non, je comprends qu'une partie du problème, c'est la subjectivité puis l'interprétation des éléments et informations. Tu sais, si j'ai eu de l'intérêt à jaser par rapport justement à de la conscience, des choses comme ça, c'est justement pour qu'on s'attarde à ce qu'on peut faire individuellement sur soi. Parce que le reste, c'est bien de valeur, mais à un moment donné, il va falloir être capable d'intégrer de la réalité puis se rendre compte qu'il y a des affaires collectives, que c'est pas ajusté de vouloir faire quelque chose individuellement. Parce que ça marchera pas comme ça. Il y a des forces, puis ces forces-là, ils vont pas te laisser faire. Dans le sens que ça m'arrive de m'essayer, mais je me fais remettre à l'ordre. Mais il reste que c'est de devenir créatif, c'est ça, entre autres, le but. Au niveau d'une évolution individuelle, devenir créatif, là, ça va se faire si on est forcé et on n'a pas le choix. Donc, c'est peut-être pas mauvais quelque part. Je veux dire, c'est pas mauvais ce qui se passe. Il y en a, et je comprends pas. Il y a un côté enfantin à vouloir des solutions magiques. On vit dans un monde Ben, je disais magique, pas mais nécessairement magique, là. Attention, là, je veux pas ben, pour moi, dire. c'est magique. Pour moi, ce que la personne a dit, je veux des solutions concrètes, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, à mes yeux, c'est de la pensée magique. Parce que je le sais que c'est pas de même, ça marche. C'est Ben, comme, c'est parce que toi, ça. si t'étais premier Oui. ministre, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je peux pas être premier ministre. J'ai pas la programmation. Tu sais, premièrement, je participerais pas, moi, à un système de parlementarisme britannique, là. Demande-moi pas hypothétiquement qu'est-ce que je ferais. Je peux pas être dans un contexte comme ça. Non, non, je comprends que tu ne peux pas faire abstraction de ton contexte et que tu n'as pas la programmation pour, mais le point, c'est que quand on critique, souvent, les gens veulent avoir une alternative, des solutions de Oui, rechange. parce qu'ils sont intellectuels puis ils réfléchissent. Si je parle de commencer, c'est pour qu'on voit, puis juste, c'est là le changement. Moi, c'est la vue, changer la vue, voir plus clair, plus pointu. C'est là que ça commence. Pas rester dans l'intellect réflectif, de dire, de justement, dans lequel on est enfermé puis par lequel on est gouverné, c'est-à-dire action-réaction, là. Problème, solution, puis tu sais, c'est polarisé. Ben, Qu'avait c'est pensé. l'affaire, c'est le vieux conte du Maharaja qui relâche un tigre. Il rattrape son tigre, puis tout le monde le remercie, puis il l'aime, puis il a de l'autorité. Mais c'est lui qui l'a relâché. Ça, personne le sait. Personne n'est au courant que c'est son tigre. Tout ce qu'ils savent, c'est que quand il y a un tigre qui mange du monde, lui, il réussit à le faire chasser, puis arrêter ça un bout de temps. Les masses sont entretenues dans une façon incohérente de voir. Donc, le fait qu'ils se contredisent tout le temps, ça fait partie de la façon de gouverner. L'important, là, c'est que c'est du renforcement positif-négatif, puis que c'est du comportementalisme. C'est du behaviorisme appliqué. Donc, ça n'a aucune importance qu'ils se contredisent. Les gens vont pas allumer plus. L'important, c'est ce qui est dit au moment où c'est dit. C'est ça que les gens vont retenir parce qu'ils n'ont pas de mémoire. Parce qu'ils sont. C'est pour ça que dans une dictature genre stalinienne, tu vas donner justement des versions de la réalité qui changent tout le temps. Puis tu vas donner aux gens des directives contradictoires qui changent tout le temps. C'est ça, Ordo ab chaos. Les problèmes collectifs, là, ça prendrait des solutions collectives, mais tu ne peux pas en avoir parce que. Ça sera jamais collectivement qu'on va être conscient. Donc, Oui, il y a parce que quelque c'est chose. individuel, oui. Ben, la personne qui veut des solutions est en danger parce qu'elle va se faire pogner par des sauveurs puis des meneurs qui amènent des solutions. Elle va se faire avoir. Le temps qu'elle se rende compte qu'elle s'est faite avoir, elle va avoir des nouveaux problèmes. Ça va créer des nouveaux problèmes. Puis là, elle va être gérée par ce gars-là au lieu de l'autre. Puis, dans le fond, la personne, elle ne sera jamais elle-même, elle sera jamais. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est donner une autonomie que le monde développe une autonomie, quitte à les faire chier, puis les envoyer pour qu'ils m'aiment pas, là. Fait que, mais pourtant, ces petits. Non, les gens sont en. C'est parce qu'on voit qu'il y a un problème qui vient de la mémoire. C'est lié à de la mémoire, ça, c'est lié entre autres à l'enfance, d'après moi.